Les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, données le 15 juin à l'Agence télégraphique centrale de Corée au sujet de l'élaboration du plan américain d'opération de raid de précision contre notre République, sont distribuées le 28 juin comme dossier officiel A70-957-S-2016-549 de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. D'autre part, l'entretien du porte-parole du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée en date du 19 juin, les menaces et chantages nucléaires croissants des États-Unis banditistes provoqueront les représailles nucléaires impitoyables et justes, et l'entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République en date du 16 juin à propos du renforcement ouvert continu des armements américains visant l'hégémonie militaire dans la péninsule coréenne et la région sont distribués comme dossier officiel S-2016-558 du Conseil de sécurité de l'ONU.